Kling, poètes ont disparu. Hola, soy Andrés y eso es la chanson et le programme de canciones francesas de Radiopolis. Dans les rues, la foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Hoy vamos a dedicar el programa a Pierre Gros, otro autor que nos ha dejado muchas canciones inolvidables. Nació cerca de París en 1939 de padres húngaros. Siempre tuvo la pasión de las palabras y escribió varios libros, pero sobre todo canciones, llegando a vivir de este noble oficio, logrando así dejar sus empleos anteriores. Empezaremos por escuchar uno de los temas más conocidos de Bernard Sauvat, muy popular en los años 60, que se ha mantenido fiel a su estilo melódico, lejos de los grandes escenarios, celebrando en 2016 en Beirut sus 50 años en la canción. Colgó el cartel de No hay entradas en dos recitales y acaba de sacar su último disco. Entre 1983 y 2000 mantuvo el bistro del Museo de Barbizon, famoso pueblo en las afueras de París donde se reunían los pintores de la llamada Escuela de Barbizon, los impresionistas, digamos. En este bistro, él reunía a sus amigos poetas y cantantes en cenas recitales, como las dos Nicole que escucharemos a continuación. Su primer éxito es L'amour, il faut être deux. El amor, hace falta ser dos. Oh, qué grande de noche nuestra cama sin ti. Ya no sé muy bien la razón por la que te fuiste. Entonces, ¿ves? Vuelve. He puesto en el piso candelas, ramos, el champán está servido. Solo te queda volver. Escuchemos L'amour, il faut être deux, escrito por Pierre Gros y cantado por Bernard Sauvat en el año 1972. Oh, qu'il est grand la nuit, notre grand lit. Sans toi, ton poudrier s'ennuie. Il n'y a pas que lui. L'amour, il faut être deux. Tu sais, l'amour, il faut être deux. Sur la table de nuit, le roman policier que tu n'as pas fini se demande où tu es. L'amour, il faut être deux. Tu sais, l'amour, il faut être deux. Je ne sais même plus très bien la raison pour laquelle tu es parti déjà. Alors tu vois, reviens. L'amour, il faut être deux. Tu sais, l'amour, il faut être deux. J'ai disposé partout des bougies, des bouquets, le champagne frappé. Tu n'as plus qu'à rentrer. L'amour, il faut être deux. Tu sais, l'amour, il faut être deux. Oh, qu'il est grand la notre grand lit. Sans toi, ton poudrier s'ennuie. Il n'y a pas que lui d'amour. Il faut être deux, tu sais, l'amour. Il faut être deux, l'amour. Il faut être deux, tu sais, l'amour. Il faut être deux, l'amour. Il faut être deux, tu sais, l'amour. Il faut être deux. En 1973, conocía a un Michel Polnareff ya en la cumbre y le escribe varios títulos de su próximo álbum, Polnareff, Polna Sueños. Vamos a escuchar Le Prince en Otage, El Príncipe Rehén, que cosechó un gran éxito. Cuando mi mente es como un día de tormenta, cuando me aburro como un príncipe rehén que nadie quiere rescatar, me vuelvo ligero, ya no peso un gramo y me voy al cielo. Mi vista es bella, estoy en las estrellas, ya no me duele nada, planeo y olvido la tierra y sus dramas. Escuchemos Le Prince en Otage, cantado por Michel Polnareff en 1974. Quand mon esprit est comme un jour d'orage, quand la vie me prend à la gorge, quand je m'ennuie, quand je suis comme un prince en otage, que ne vient réclamer personne. Je me rends léger, je ne pèse plus un gramme, et je m'en vais dans le ciel. Alors ma vue est belle. J'ai le cœur léger, je ne verse pas une larme, et je suis dans les étoiles. Alors je n'ai plus mal, je plane et j'oublie la terre et les drames. Et je me promène et je flâne. Quand c'est la fin et que je prends mes bagages, pourtant comme je t'aime encore. Je sais bien que je vis sur un échafaudage qui ne tient plus que par la mort. Je me rends léger, je ne pèse plus un gramme, et je m'en vais dans le ciel. Alors ma vue est belle. J'ai le cœur léger, je ne verse pas une larme, et je suis dans les étoiles. Alors je n'ai plus mal, je plane, et j'oublie la terre et les drames. Et je me promène et je flâne. Et quand la vie est revenue en cage, et que je sens mourir l'automne, quand je me dis que je suis comme ce prince en otage, je ne viens réclamer personne. Je me rends léger, je ne pèse plus un gramme, et je m'en vais dans le ciel. Alors ma vue est belle. J'ai le cœur léger, je ne verse pas une larme, et je suis dans les étoiles. La terre et les drames, et je me promène et je flâne, et j'oublie la terre et les drames. la terre. Et je me promène. Et j'oublie la terre. Pero si un encuentro es crucial para él, es el de un joven Michel Jonas, hijo también de emigrantes húngaros. Escribió uno de los 12 títulos de su primer álbum y la alquimia entre ellos fue tal que al año siguiente hizo 10 de los 12 títulos de su segundo álbum, que se llama Changez tout, Cambiad todo. Álbum que encumbró a Michel Jonas. Vamos a escuchar ese título. Quiero ir a donde el aire es más suave, donde la primavera entra un día como loca y os dice: así no va, cambiad todo. Vuestro mundo no se mantiene en pie. Quiero ir en la tarde de un día donde no se prohíbe, donde la felicidad le saluda y le habla a corazón abierto, diciéndole que bien has hecho de cambiarlo todo. Escuchemos Changez tout, cantado por Michel Jonas en el año 1975. Je veux aller où l'air est plus doux, où la colombe vole en dessous, où le printemps entre un jour comme un fou. Vous saisis au revers, au détour d'un chemin vert. Ça va pas comme ça. Changez tout, changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout, changez tout. Je veux aller dans l'après-midi. D'un jour où rien n'est interdit, où le bonheur sans faire de comédie vous salue sans manière et vous parle à cœur ouvert et vous dit: qu'est-ce que t'as bien fait. Changez tout, changez tout, pour une vie qui vaille le coup. Changez tout, changez tout, changez tout, changez tout, changez tout. Qu'est-ce que vous feriez sans nous? Après tout, changez tout, changez tout. Changez tout, pour une vie qui vaille le coup. Changez tout, changez tout, changez tout. La década de los 70 es la más exitosa de la carrera de Nicole Croisi, que encuentra compositores y autores que le hacen canciones a medida de su inmensa voz. Pierre Gros será uno de ellos, y de los varios temas frutos de su colaboración vamos a escuchar Emma. Es el nombre de Madame Bovary, la protagonista de la novela de Flaubert,

Escribió dos canciones para Jean Ferrat. Vamos a escuchar Je meurs, muero. Muero de una fiebrecita con un nombre en los labios y unos recuerdos dichosos en el fondo de mis ojos. Me voy como he venido, un poco más tranquilo, un poco más desnudo. Voy de viaje hacia la tierra que me puede explicar este misterio. Vamos a escuchar Je meurs, cantado por Jean Ferrat en el año 1976. Je meurs d'une petite fièvre, avec un prénom sur mes lèvres et quelques souvenirs heureux, quelque part au fond de mes yeux. Je vois la chose comme un acteur que ses amis trouvent menteur. Quand son cœur a son dernier bond, me fait grimacer pour de bon. Alors moi, je ris doucement, comme on rit aux enterrements, en me disant qu'au fond, mourir, c'est ne plus s'arrêter de rire. Je meurs d'une petite fièvre, avec un prénom sur mes lèvres et quelques souvenirs heureux, quelque part au fond de mes yeux. Je m'en vais comme je suis venu, un peu plus calme, un peu moins nu. Je pars en voyage vers la terre, qui peut m'expliquer ce mystère? À moins peut-être qu'un de ces quatre, j'entende enfin au transistor des nouvelles du vaccin miracle qui guérira l'homme de la mort. Je meurs d'une petite fièvre, avec un prénom sur mes lèvres et quelques souvenirs heureux, quelque part au fond de mes yeux. En el mismo estilo reflexivo nostálgico, escribirá para Françoise Hardy Ton enfance, tu infancia. Es tu infancia que se pasea en tu memoria. Tu madre no estaba. Te despierta a veces y baila un baile que quiero que olvides. Ya estoy aquí y te quiero para cambiar el color de tu vida. Escuchemos Ton enfance, cantado por Françoise Hardy en 1977. Que je veux que tu oublies. Viens tourner dans mes bras, désormais je suis là pour changer la couleur de ta vie. La otra Nicole, amiga de Bernard Sova, y que vamos a descubrir aquí, es Nicole Rieu. Otra magnífica voz. A los 20 años, en 1969, ya publicaba su primer disco y cantaba en el mítico Olympia. Y desde entonces no ha parado de sacar discos. Dos el año pasado, por ejemplo, con 24 canciones escritas y compuestas por ella misma, como por la mayoría de sus discos desde el quinto. Eso le permite, contrariamente a Nicole Croisi, que no escribe ni compone, llevar su carrera con tranquilidad y lejos de los focos. Su tercer álbum lo escribe casi entero Pierre Gros. Vamos a escuchar Nicole, tu es folle. Nicole, estás loca. En esta canción, Nicole hace gala de su generosidad para acoger en su casa y su vida a un indigente, haciendo caso omiso de la desaprobación de sus amigos que le cantan a coro que está loca. Vamos a escuchar Nicole, tu es folle, cantado por Nicole Rieu en 1978. Bonjour clochard, bonjour chien perdu. J'ai du pain pour toi et du jambon cru. Ma maison est à toi. Si tu veux, entre donc et assieds-toi. Nicole, Nicole, Nicole, tu es folle, Nicole, Nicole. Nicole, Nicole, Nicole, tu es folle, Nicole, Nicole. Nicole, Nicole, Nicole, tu es folle, Nicole, Nicole. Nicole, Nicole, Nicole, tu es folle, Nicole, Nicole. Je donnerai tout ce que j'ai. Tu es folle, Nicole, Nicole. Et ma vie, c'est à lui que je l'ai donné. Folle, Nicole, Nicole. Les gens que je connais me disent ça se fait pas et que j'ai fait une bêtise. Je crois pas, j'ai choisi celui-ci parce que je l'aime. Il paraît qu'il n'a pas de bien. Ça fait rien, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Et c'est bien, je sais ce que je sais. Et je sais que je l'aime. Tu es folle, Nicole, Nicole. Nicole, Nicole, Nicole. Tu es folle, Nicole, Nicole. Nicole, Nicole, Nicole. Tu es folle, Nicole, Nicole. Nicole, Nicole, Nicole. Tu es folle, Nicole, Nicole. On s'est rencontrés très loin des tasses de thé. Tu es folle, Nicole, Nicole. Y a pas eu de parents pour me le présenter. C'est vrai qu'il a les cheveux plus longs que mon père et qu'il fait pas les concessions de ma mère. Mais pour moi, c'est celui que je veux dans ma vie. Combien de temps ça durera? J'en sais rien, aussi longtemps que ça nous plaira. Et c'est bien, je fais ce que je fais parce que c'est ma vie. Nicole, Nicole, tu es folle. tu es folle, Nicole, Nicole. Nicole, Nicole, Nicole, tu es folle. Gilbert Bécaud es uno de los principales intérpretes de Pierre Gros, con algunos grandes éxitos como Mais où sont-ils les jours heureux? Pero ¿dónde están los días felices? Pero ¿dónde están los días felices? Cuando están, no los ves, los recuerdas cuando los echas de menos. Hay un país de leyenda, un lugar escondido donde te esperan. ¿Cuándo se van los días felices? ¿Dónde están los paraísos de la infancia? ¿Dónde están las mañanas de azúcar y canela? Escuchamos Mais où sont-ils les jours heureux, cantado por Gilbert Bécaud en el año 1979. Sont-ils les jours heureux? Quand ils sont là, tu les vois pas. Tu t'en souviens quand ils te manquent. Tu voudrais retrouver la planque. Mais où sont-ils les jours heureux? Y a-t-il un pays de légende? Une cachette où ils t'attendent? Quand ils s'en vont les jours heureux. Où sont tous ces petits bonheurs qui te suivaient à cloche-cœur? Comme toujours, tu buvais comme un peu d'eau fraîche leur je t'aime et leur peau de pêche. Voilà que tu les réclames quand t'as fait des bleus à ton âme. Les beaux jours, c'était que des pas sur du sable. Tu pleures car je vois. Quand tu ris, ben montre-toi. Si tu ris le vendredi, le dimanche tu chanteras. Où sont-ils les jours heureux? Quand ils sont là, tu les vois pas. Tu t'en souviens quand ils te manquent. Tu voudrais retrouver la planque. Mais où sont-ils les jours heureux? Y a-t-il un pays de légende? Une cachette où ils t'attendent? S'en vont les jours heureux. Les verts paradis de l'enfance, aujourd'hui quand tu y repenses. Où sont-ils? Matin de sucre et de cannelle qui te semblait tout naturel. Retourne où tu les as connus. Les églantines ont disparu. C'est fragile. Les endroits quand on n'y va plus. Tu pleures, cache-toi. Quand tu ris, ben montre-toi. Si tu ris le vendredi, le dimanche tu chanteras. Mais où sont-ils les jours heureux? Quand ils sont là, tu les vois pas. Tu t'en souviens quand ils te manquent. Tu voudrais retrouver la planque. Mais où sont-ils les jours heureux? Quand ils sont là, tu les vois pas. Tu t'en souviens quand ils te manquent. Tu voudrais retrouver la planque. Les jours heureux. Johan es el noveno álbum de Catherine Lara, de la que Pierre Gross escribe 9 de las 11 canciones. Y Johan es el tema que más popularidad has conseguido de ese disco. Te conocí, Johan, en los días felices. Me contabas, Johan, que darías la vuelta al mundo, que irías hasta el Yukon detrás de las huellas de Jack London. Tu vuelta al mundo se detuvo en Burdeos. Podríamos haber hecho más, pero es así, es una pena. La verdad, Johan, es que te has columpiado. Escuchemos Johan, cantado por Catherine Lara en el año 1982. Je t'ai connu, Johan, aux jours heureux. Tes pères et mères encore très amoureux. Et toi tu venais, Johan, chez nous. T'as fait souvent des couronnes aux choux. Qu'est-ce que tu fous de ta vie, Johan? On est fous de la vie. On aurait pu être davantage, mais c'est comme ça, tant pis, c'est dommage. À l'époque où tu vivais chez nous, je voyais Johan En 1959, Hugo Frey grababa su primer disco y el 7 de septiembre de este año 2019 dará un concierto con 125 coristas para celebrar sus 90 años en el pueblo de Sorez, donde se crió ese incombustible trovador de la canción francesa, el primero en versionar en francés a Bob Dylan. Pierre Gros le escribía ese grande éxito, Tu t'en iras, te irás. Le habla a un hijo que tarde o temprano se irá y le pide que no se vaya del todo ni demasiado pronto, por imprudencia o por temeridad, porque, dice, no se quiere nunca lo suficiente a la gente a que se quiere. Escuchemos Tu t'en iras, cantado por Hugo Frey en el año 1987. Que tu sois un ange ou un diable, de la zone ou fils de notable, que tu sois le fou du roi, un petit Popeye ou le pacha, tu t'en iras. Te repêchera avec les huîtres ou ta bécane fera le rang 8. Tu t'en iras en embolie, en vol plané ou dans ton lit. Tu t'en iras, eh oui, tu t'en iras. Alors je t'en prie, fais pas l'idiot, fais-nous le coup du faux rideau. Reviens vite, gentiment, fais rire nos enfants. J'allumerai mon feu de camp. Y'a bien du ménage à faire, tellement de mecs en galère. Ne les laisse pas en panne de cœur, te casse pas à 200 à l'heure. Pense aux autres et pense à toi-même. Regarde tout ce qui t'aime, mais surtout aime. Aime vraiment ce que tu aimes. On n'aime jamais vraiment assez les gens qu'on aime. On n'aime jamais vraiment assez les gens qu'on aime. Que tu sois un peu hypocrite, plus franc qu'un bloc de granit. Que tu sois le dernier des justes, pas net, en tout cas tout juste. Tu t'en iras, eh oui, tu t'en iras. Alors je t'en prie, sois pas con, mets pas les gaz vraiment à fond. T'en vas pas pour de bon, reprends ton petit violon. Ne fais pas le grand plongeon. Et puisqu'à soir faudra mettre les voiles vers la nuit qui n'a pas d'étoiles, reste un peu ensemble, on se promène sur l'écran et sur la chaîne. Des gens qui s'aiment, fait durer les jeux qu'on aime. On n'aime jamais vraiment assez les gens qu'on aime. On n'aime jamais vraiment assez les gens qu'on aime. On n'aime jamais vraiment assez. Jamais vraiment assez.